La légende de Noël. Tout le monde explosa de joie. Mais la triste réalité me frappa. On venait de repousser une attaque, mais mon oncle n'en resterait pas là. On doit stopper cette folie! Et je crois bien qu'on peut y arriver, Altesse. Si toute la capitale reprend espoir d'un coup, votre oncle pourrait bien se retrouver affaibli. Et on a tous les cadeaux qu'il faut à l'atelier. Vous croyez qu'on peut vraiment en livrer autant à nous quatre? Non, mais avec l'aide de tous ceux qui nous ont rejoints, ça me semble possible. Surtout si Nora les aide comme elle l'a fait avec moi lors de la première livraison. Pas de problème, mon petit. Mais je suis pas sûre que ce soit suffisant. Comment ça? Il y a toujours des têtes de bûche dans le lot. Faudrait utiliser un autre truc. Un symbole qui rappellerait à tout le monde ce qu'est Yule. Un truc qui leur montrerait à quel point ce qu'ils vivent n'a pas de sens. Le grand sapin de la grande place. Tout le monde s'y pressait les soirs de fête. Mais depuis que mon oncle est au pouvoir, il dépérit. Vous pouvez compter sur moi. Le petit peuple va le soigner en un clin d'œil. Oh! Et on pourrait utiliser les feux d'artifice du château pour montrer au royaume tout entier que la capitale reprend espoir. Porté par notre enthousiasme, on retourna à l'atelier de la forêt de Yuli. Noël y fabriqua d'autres traîneaux pour amener notre équipe au grand complet. Bientôt, un escadron fendit le ciel étoilé avant de se poser silencieusement dans la capitale endormie. Sans perdre une minute, Imi et sa tribu foncèrent vers le grand sapin. Chaque soldat passa devant Nora pour recevoir prière et protection avant de saisir un sac rempli de cadeaux et de s'éclipser par les toits. Avec Noël, on se faufila dans la cour du château pour nous glisser jusqu'à l'entrepôt où étaient rangés les feux d'artifice. Seuls et drapés de silence, on a pris tout ce qui nous passait sous la main. C'était presque trop facile. On a rejoint Nora et Amy sur la grande place. Le petit peuple avait redonné toute sa splendeur au sapin. Il me sembla encore plus majestueux que dans mes souvenirs. Lorsque les soldats revinrent de leur tournée, le grand conifère s'illumina et le feu d'artifice démarra. Partout dans la cité, des sourires fleurirent. Les portes et les fenêtres s'ouvrirent sur des visages émerveillés. La joie submergea toute la capitale. Soudain, un hurlement de douleur déchira l'atmosphère. Et maintenant, que va-t-il se passer? Vous le saurez demain en écoutant le prochain épisode.